Au premier jour de la semaine, au petit jour, petit matin, il faisait froid dans le jardin quand arriva Marie-Madeleine. Au pays des statues de marbre, on entendait pleurer le vent. On aurait dit les mots d'un chant comme une plainte dans les arbres. Marie murmurait des prières, peut-être même qu'elle avait peur, dans cet endroit et à cette heure, dans ce jardin, ce cimetière. Il fallait pourtant du courage pour embaumer le corps meurtri de l'homme qui est mort sans un cri, suspendu au bois des outrages. Jésus était un grand prophète, pourquoi l'ont-ils assassiné alors qu'il avait tout donné, même à ceux qui voulaient sa tête? Marie réfléchissait encore quand devant elle un homme en blanc lui dit de croire que maintenant la vie avait vaincu la mort. Que voulaient dire ces mots étranges? Quand on est mort, c'est à jamais que tout notre être disparaît dans le Jourdain ou dans le Gange. Marie courut jusqu'à la tombe, la porte en pierre était roulée, seul le soleil était entré, et peut-être une ou deux colombes. Maria était la première à croire en cette vérité. Jésus était ressuscité, la foi devenait un mystère. Ne pleure plus, Marie-Madeleine, à tout jamais il est présent, au cœur du monde des vivants, pour le libérer de ses chaînes.